Maintenant sors l'instrument que je t'ai donné. Et joue-moi l'air des journées passées à essayer d'apprivoiser l'ange que j'étais, maïa papa. L'ange que j'étais. L'ange que j'étais.